D'où viennent donc les petits hommes verts? De Mars, bien entendu. Mais pourquoi sont-ils petits? Pourquoi sont-ils verts? Pourquoi sont-ils des hommes? Après tout, ça pourrait être des petites femmes vertes tout autant. Eh bien d'abord parce qu'il y a eu la Lune et les sélénites, mais très vite, l'humanité se rendit compte que son satellite naturel était un caillou désert et stérile. Alors notre regard se tourna vers Mars. Mars et ses canaux que l'on a cru réels jusqu'en 1965. Mars et ses habitants belliqueux dès la guerre des mondes de Wells à la fin du 19e siècle. Mars habité, Mars terraformé, Mars fantasmé. La planète rouge et la science-fiction, c'est une longue histoire d'amour qui est loin d'être terminée. Objectif Mars, c'est le programme rougeoyant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et je vais vous dire que nous ne sommes pas peu fiers pour traiter ce sujet d'avoir un plateau entièrement composé de petites femmes pas du tout vertes, ni très petites d'ailleurs, mais exclusivement féminins. C'est tellement rare quand on fait de la science-fiction qu'on est content de le dire. Bonjour Aurélie Villers. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université de Picardie, autrice d'une thèse sur la planète Mars dans la littérature. Bonjour Jeanne Rousseau. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice du studio de développement de jeux vidéo Spiders, qui a produit notamment Mars Warlogs et The Technomancer, de jeux qui se déroulent sur la planète rouge. Et bonjour Daniel André. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en civilisation et culture populaire des États-Unis à l'université de La Rochelle. Mais avant de décoller donc pour la planète Mars, si vous aviez l'image dans votre radio, vous sauriez sans l'ombre d'un doute qu'elle vient d'une autre planète, laquelle le mystère reste entier, même si j'ai une petite supposition pour Mercure vu sa bonne mine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Premier sujet de ce journal des sciences, une étude parue dans The Journal of Physiology sur l'embryogenèse qui a mis en lumière les fonctionnements de l'intestin pendant la digestion. On entend beaucoup dire que l'intestin est notre deuxième cerveau. En effet, nos neurones ne sont pas uniquement présents dans le cerveau, dans la moelle épinière. Le système digestif est recouvert d'environ 100 millions de neurones. Ce n'est que très récemment qu'on s'intéresse au système neuronal entérique. On sait qu'il gère les mouvements liés à la digestion, mais on ne comprend pas bien comment il fonctionne et surtout, encore moins, comment il se met en place lors de l'embryogenèse. Pour cette étude, les chercheurs ont travaillé sur des embryons de poulets. Ils ont ouvert les œufs, disséqué les intestins, puis les ont placés dans des bains physiologiques pour observer leurs mouvements selon les stades de développement. L'étude a montré deux phases distinctes dans le développement du système digestif. Alain Chédotal est neurobiologiste du développement et directeur de recherche à l'INSERM. Initialement, il n'y a pas de neurones dans l'intestin. Ils naissent pas là, au niveau de l'intestin, ils naissent pas très loin du cerveau. Et ils vont se mettre à migrer le long de l'intestin depuis le haut de l'intestin et envahir petit à petit, se développer et coloniser l'ensemble de l'intestin du haut vers le bas. Et en fait, ce qui est particulier dans l'intestin, c'est qu'il y a plusieurs couches, et ça c'est connu, il y a des muscles qui sont orientés dans différentes directions. Donc vous avez des muscles qui font comme des anneaux, c'est-à-dire qui vont être circulaires, qui vont faire comme un peu des élastiques, vous voyez, qui seraient mis le long autour de l'intestin. Et donc c'est comme un élastique, vous allez resserrer petit à petit, ça va contracter l'intestin, si on veut, le long du diamètre, du haut vers le bas, le faire plus étroit. Hein. Et puis, vous avez d'autres muscles qui, eux, vont se mettre en place plus tardivement, qui se mettent dans l'axe long de l'intestin. Et eux, ils vont être responsables de contraction de l'avant vers l'arrière. Cette contraction, elle est spontanée, si on peut dire. Elle ne dépend pas des nerfs. C'est-à-dire que ces neurones qui recouvrent l'intestin ne vont pas contrôler, ils ne sont même pas actifs au départ. Donc, vous avez votre intestin chez l'embryon qui va se contracter, indépendamment en fait d'une activité nerveuse. Là en fait c'est un peu comme le muscle cardiaque initialement, c'est la même chose ici au niveau de l'intestin, vos premiers muscles qui se mettent en place vont se contracter. Donc c'est ce qui montre là, vous avez cette première phase dans le développement où il y a cette contraction qui est indépendante des nerfs. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les embryons, c'est que l'on sait que les couches de cellules se différencient à des stades très différentes. C'est-à-dire les premiers muscles, c'est à 6 jours, les cellules qui vont rythmer les muscles, c'est à 10 jours, et les nerfs, c'est à 16. En regardant la dynamique de l'intestin à ces différents stades, on va voir très clairement quelle est la différence et quel est l'apport de chacun à la dynamique d'ensemble, et ce plus clairement encore que si on regardait un intestin adulte. Dans un premier temps donc, les deux couches de muscles se contractent de manière désordonnée et c'est dans un second temps, au 16e jour, que les nerfs viennent comme une couche de contrôle pour orienter et réguler ces mouvements spontanés. C'est la découverte de cette étude. Le système nerveux intestinal coordonne et synchronise ces deux muscles. Nicolas Chevalier est chargé de recherche CNRS et travaille au laboratoire matière et systèmes complexes. Il a dirigé cette étude. Les neurones vont s'activer pour coordonner les deux couches. En fait, on a trouvé qu'ils établissent un couplage. C'est-à-dire que quand l'une des couches va être contractée, en l'occurrence la couche longitudinale, ça déforme mécaniquement les neurones. Les neurones sont sensibles à ces déformations mécaniques et leur réaction automatique, c'est de sécréter un neurotransmetteur, l'oxyde nitrique, qui va relaxer l'autre couche musculaire, le muscle circulaire. Voilà, via ce couplage, je dirais, mécano-chimique, on obtient finalement une coordination des deux couches musculaires qui fait que quand l'une se contracte, bah, l'autre est relaxée. C'est cet aspect de synchronisation des deux couches et finalement le fait que en réalisant un couplage entre les deux types de muscles, ça fait apparaître un nouveau type de mouvement. Je dirais que ce concept-là est nouveau, ou en tout cas qu'on ne l'avait pas compris à partir des études précédentes. On commence à pouvoir décrire un premier mouvement digestif qu'on voit chez l'adulte. Donc il y a encore beaucoup de choses à éclaircir, je dirais, dans cette transition de l'embryon au mouvement adulte. Ensuite, je dirais que c'est une approche qui est assez générale, donc on peut l'appliquer à plein d'autres organes, aux poumons, au cœur, aux reins. Donc c'est tout le domaine de la physiologie du développement qui est en partie développé et puis en partie il y a des grands trous, je dirais, et il y a probablement plein de choses à découvrir qui nous permettront de mieux comprendre comment fonctionnent les organes. En bref, un mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, des associations redoutent un risque d'intoxication au plomb, Natacha. Pendant l'incendie, le plomb de la flèche et de la toiture ont fondu. En tout, 350 tonnes de plomb se sont disséminées en poussière autour du monument. L'Agence régionale de santé a confirmé la présence de plomb aux alentours de la cathédrale. Pas de risque en matière de qualité de l'air. En revanche, les concentrations dans les sols du parvis sont élevées. On compte entre 10 à 20 grammes de plomb par kilogramme de sol. Le seuil d'alerte sanitaire est à 0,3 grammes par kilo, donc c'est 65 fois plus que la norme. Le plomb est cancérogène et mutagène, donc des associations demandent un protocole de décontamination ainsi que la mise en place d'un suivi pour les riverains, pour ceux qui sont intervenus sur le site et pour ceux qui vont intervenir sur le chantier de la cathédrale. Et on poursuit ce journal avec le deuxième sujet cette semaine. Une étude publiée dans la revue Cell montre comment au cours des 5 derniers millénaires, l'ADN du cheval a été modifié par la domestication de l'homme. C'est un travail de recherche sur 5 ans qui a mobilisé 120 chercheurs et c'est un bel exemple de recherche pluridisciplinaire qui allie génétique, histoire et archéologie. Ils ont cherché à comprendre l'impact de l'homme sur les mécanismes biologiques liés à la domestication. Ils ont séquencé les génomes de 278 fossiles de chevaux. Il faut imaginer qu'un génome, c'est environ 2,5 milliards de lettres ACGT, donc c'est un jeu de données colossal. À ce jour, c'est la plus grande collection de génomes jamais produite pour une espèce animale. Alors, la première grande leçon de ce travail, c'est de découvrir que le monde du cheval était bien plus divers qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il existait plusieurs formes de chevaux. Les chercheurs ont découvert des lignées qui ont depuis disparu. Quand l'homme a commencé à domestiquer cet animal il y a 5000 ans, il a fait des choix. Il n'a pas utilisé toutes les lignées disponibles et cela a eu un impact sur l'évolution et sur la génétique de l'espèce. De plus, l'étude montre que ces 200 dernières années, on observe un effondrement de la diversité génétique du cheval. Ludovic Orlando est directeur de recherche CNRS de l'Université de Toulouse, au laboratoire d'anthropologie moléculaire. Il est le principal auteur de cette étude. La grande surprise, c'est de découvrir qu'en réalité, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la plupart des lignées étaient encore disponibles, mais que depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, alors que l'éleveur a changé ses pratiques d'élevage pour reproduire des chevaux en consanguinité et ainsi faire apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui des variétés, le cheval de course ou sanglais par exemple, ou le trotteur français ou le poney islandais par exemple. Eh bien, en faisant cette nouvelle pratique d'élevage, l'homme a causé une perte massive de la diversité génétique des chevaux qui existait pourtant jusqu'au XVIIe siècle. On la quantifie, nous, dans notre jeu de données, pour être une perte de diversité d'environ 16%. C'est donc vraisemblablement le signe que l'éleveur a changé de fusil d'épaule et a plutôt favorisé la sélection de quelques-uns privilégiés, si vous voulez. Ça, c'est assez bien connu dans les livres d'histoire, puisqu'on sait que le 17e et le 18e siècle, l'éleveur a procédé par des croisements de consanguinité et surtout la sélection de quelques étalons ou de quelques juments qui portaient des caractères dits d'intérêt. Par exemple, pour les éleveurs qui voulaient aboutir à un cheval de plus en plus rapide, eh bien des caractères de vitesse, par exemple. Et pour des éleveurs voulant aboutir à des chevaux de plus en plus grands, tels que le percheron, par exemple, eh bien plutôt des reproducteurs qui avaient naturellement une grande panne. Et ainsi, de fil en aiguille, en ne faisant se reproduire entre eux que toujours les mêmes, en fin de compte, dans une même généalogie, cela a conduit à une érosion de la diversité. En bref, l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipédia est bloqué en Chine, quelle que soit la langue. Depuis 2015, un Wikipédia était déjà censuré en mandarin. Désormais, c'est l'intégralité du site qui est inaccessible pour les internautes chinois. L'encyclopédie en ligne rejoint donc la longue liste des plateformes web interdites en Chine, Google, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Une nouvelle colle biologique a été inventée, une colle capable de recoller une blessure au cœur alors que le cœur est encore en train de battre. Et le tout en 20 secondes, c'est une solution hydrogel non toxique qui s'active par des rayons ultraviolets, et ces résultats ont été obtenus sur des organes de porc et ils sont supérieurs aux résultats des colles chirurgicales actuelles. Ce nouveau prototype peut par exemple supporter une plus forte pression artérielle. Des tests cliniques sur l'humain sont prévus. La 6e édition du festival Pint of Science commence lundi prochain dans toute la France. Dans 53 villes et pendant 3 soirs, des rencontres sont organisées dans les bars avec plus de 800 scientifiques, avec notamment cette année la climatologue Valérie Masson-Delmotte. En tout, 400 événements sont prévus autour des récentes découvertes des chercheurs. Les inscriptions se font sur pintofscience.fr. On vous met le lien évidemment, comme toujours, sur le Twitter, le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc. Pour conclure, Natacha, comme toutes les semaines par notre rubrique de sciences improbables, selon une étude anglaise, l'utilisation des smartphones modifie la physionomie de nos doigts. 5% de la population aurait un pouce plus gros que l'autre. C'est les résultats de cette enquête réalisée auprès de 2000 personnes. Le pouce peut devenir jusqu'à 15% plus gros. Ce sont surtout les plus jeunes qui sont touchés par ces mutations. En une seule décennie, c'est une évolution très rapide, mais l'étude rappelle que nous passons en moyenne 2 heures par jour sur nos téléphones. Nos pouces deviennent donc plus musclés. Et je vous ai vu, vous êtes tous en train de comparer la taille de vos doigts. Absolument pas du tout. Mes doigts sont tout à fait de la bonne taille. Je sais pas ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup Natacha, à la semaine prochaine. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Oui, on a eu du mal à résister au hack-hack que l'on adore des martiens belliqueux de Tim Burton dans Mars Attacks. Mais pour revenir à nos moutons rouges et pour revenir surtout à la source, la Lune, on l'a dit tout à l'heure, a longtemps fasciné les poètes et les écrivains. Mars n'est malgré tout pas en reste. On trouve des mentions de la planète Mars et de ses habitants très tôt dans la littérature, chez Voltaire par exemple, dans Micromégas, chez Maupassant aussi, qui publie son Homme de Mars en 1887. Mars fascine, on lui imagine des canaux bien réels, observés par Schiaparelli, trace d'une éventuelle civilisation passée ou présente. Tout le folklore autour de la planète rouge s'effondrera brutalement en 1965 avec le survol de la sonde américaine Mariner 4 qui révélera cette surface morte, brûlée et désespérément vide de celle que l'on a si longtemps considérée comme une petite sœur jumelle de notre planète Terre. La planète Mars a donc largement essaimé en littérature mais aussi au cinéma, sans oublier bien sûr les séries et le jeu vidéo. Pour parler de cette influence de Mars dans la science-fiction, nous recevons aujourd'hui Aurélie Villers, qui est enseignante-chercheuse à l'université de Picardie, Jeanne Rousseau, qui est cofondatrice et directrice du studio de jeux vidéo Spiders, et Danielle André, qui est enseignante-chercheuse en civilisation et en culture populaire des États-Unis à l'université de La Rochelle. Alors Aurélie Villers, vous avez fait donc une thèse sur la place de la planète Mars en littérature. Est-ce que vous avez un nombre d'occurrences relevées en tout dans la littérature internationale, ou est-ce que c'est beaucoup trop? C'est impossible. Mon cursus était déjà très limité sur les années 1990-2000. Sur un pays, les États-Unis, et j'avais déjà 30 romans. Ce qui est déjà pas mal. Donc, il y a eu un foisonnement absolu autour du XXe siècle aussi. Je pense que je n'ai réussi à faire aucun recensement exhaustif à ce jour. Oui, ce qui serait évidemment très, très difficile, puisque, je le disais, en Mars, on en trouve des traces très tôt, chez Voltaire notamment. Oui, même ça remonte. Enfin, dans la littérature, oui, c'est assez rapide chez Voltaire, mais on retrouve aussi dans des écrits de chercheurs bien avant, dès le XVIIe siècle, chez Swedenborg, chez Herschel, des gens comme ça. Et puis, ça sera un peu plus développé au XIXe en littérature. C'est-à-dire que finalement, la science-fiction apparaît, on le sait, plutôt à la fin du XIXe siècle. Quels sont les premiers imaginaires qui se cristallisent justement autour de Mars dans la littérature? Pour ça, je pense qu'on peut remercier tous Schiaparelli, qui a lancé une vogue. Les canaux, fameux canaux, qu'il observait en 1877, je crois, et qui vont perdurer jusqu'aux chroniques martiennes, les années 50. Donc ça a généré l'idée que Mars était forcément peuplé et habité, et à partir de ce moment-là, on a eu quand même deux courants essentiels dans la littérature, qui ont été d'un côté la communication avec ces Martiens, et de l'autre directement des voyages directement sur Mars. À savoir que ce qui est très intéressant, ce qu'on a observé au tout début de la littérature martienne, de cette proto-science-fiction au tournant du XXe siècle, c'est l'influence des spirites qui croyaient en la réincarnation des morts sur Mars. Et ça va perdurer jusqu'à nos jours, jusque dans le cinéma où on va retrouver des vampires, les âmes des morts réincarnées sur Mars qui ont fait les grandes heures de Camille Flammarion, par exemple. La figure, on en rigolait avec le hack de Tim Burton, qui est une caricature de toute une littérature populaire, pulp, des années 50-60, cette figure du martien belliqueux, elle n'apparaît pas tout de suite. Hein. Les créatures qui peuplent Mars ne sont pas forcément hostiles au début. Oui et non, il y a quand même chez Wells... Avant Wells, alors j'allais arriver à Wells. Avant Wells. Avant Wells, oui, on a les deux courants. On a des martiens qui sont bienveillants, qui, par exemple chez Camille Flammarion, qui vont envoyer des messages à la Terre dans La fin du monde de Flammarion, pour avertir les terriens qu'une comète se dirige vers la planète et risque de les détruire. Donc il y a généralement des communications bienveillantes quand elles viennent des martiens. Mais de l'autre côté, le martien belliqueux apparaît quand même assez tôt. Et du moment où on s'est dit que la planète Mars était habitée, que les martiens étaient certainement supérieurs à nous, on s'est mis à les craindre et à les imaginer belliqueux. Parce que il faut dire que effectivement, on parle le terme science-fiction appliqué à la fin du 19e siècle, ça n'existe pas encore. Le terme sera inventé et apparaîtra beaucoup plus tard. On a parlé du merveilleux scientifique à ce micro-là ici, qui est un courant qui n'est pas vraiment de la science-fiction, qui est une sorte de courant un peu décadentiste, post-symboliste. On va vous mettre le lien d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission. Mais surtout, c'est la grande époque du roman d'aventure. Oui, exactement. C'est l'héritière aussi, cette science-fiction, du roman d'exploration, du roman d'aventure. On peut remonter jusqu'à Bougainville, hein, en France. Par contre, la science-fiction a su assez bien adapter ça en se rendant compte que les récits d'exploration sont généralement assez ennuyeux. Et tout le courant de la RDSF a ce côté assez ennuyeux. Donc les auteurs de l'époque, au tournant du XXe, vont vraiment faire attention à introduire un peu d'événements pour garder l'intérêt du lecteur. Hein. Ça vient du roman d'exploration où déjà on insérait des scènes de chasse ou des batailles militaires pour garder l'intérêt du lecteur et s'en servir comme vecteur de vulgarisation. C'est-à-dire que ça pourrait se passer sur Mars comme ça pourrait se passer dans un monde perdu, dans un coin reculé de la Terre, puisque c'est encore on ne connaît pas encore la planète Terre, on ne l'a pas encore explorée intégralement. C'est intéressant, il y a donc Henri de Parville publie en 1865, c'est intéressant, 1865, c'est exactement un siècle avant Mariner, un habitant de la planète Mars, et voici la façon dont il décrit le martien qui arrive sur Terre d'ailleurs. Il mesurait à peine 4 pieds, les pieds très courts, pas de cheveux, polis, plissé, passé à l'état de cuir, forme du cerveau triangulaire, visage singulier en lame de couteau, une sorte de trompe partant presque du front en guise de nez, une bouche très petite avec quelques dents seulement, deux fosses orbitaires, bras très longs descendant jusqu'au-delà des cuisses, 5 doigts dont le 4e beaucoup plus court que les autres, apparence généralement grêle, la peau devait sans doute être jaune rougeâtre. C'est amusant ces premières. C'est très florissant encore. L'imaginaire autour de Martien n'est pas du tout fixé encore. Oui, et dans mon souvenir, ce Martien est mort. Hein, je crois que c'est un cadavre. C'est un cadavre. Mmh. Voilà. Mmh. On va avoir les deux courants. On va avoir un courant qui va être hérité de la pluralité des mondes de Swedenborg, qui va penser le Martien à l'image de l'homme. Et puis un courant qui va se dire cette planète ne ressemble pas du tout à la nôtre, donc les Martiens sont forcément totalement différents des nôtres. Et ça va donner du n'importe quoi à la Barsoom, à la John Carter, où on va vraiment projeter tous les fantasmes terrestres, je le disais, du vampire au petit homme vert, au monstre aussi. Maupassant écrit une nouvelle qui s'appelle L'homme de Mars en 1887. Oui, que je n'ai pas lu. Est-ce que quelqu'un a lu L'homme de Mars, Jeanne Rousseau? Moi, j'ai lu, oui. Ouais. C'est assez amusant parce que c'est plus philosophique qu'autre chose, en fait. C'est une discussion assez amusante, donc de Maupassant qui rencontre comme ça un personnage qui vient le trouver dans son bureau et qui qui lui dit « Vous allez me prendre pour un fou, mais non, allez-y, allez-y. » Et puis, effectivement, il commence son récit en tâtant un peu le terrain quand même pour savoir si ce qu'il pense, est-ce qu'il lui demande, d'ailleurs, il lui pose la question. Et de mémoire, la réponse est assez jolie de Maupassant sur « Est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres hommes ailleurs, enfin d'autres habitants ailleurs dans l'univers ?» Et Maupassant lui répond « Absolument, il n'y a aucune raison qu'on soit tout seul. Ce qui est assez amusant quand on pense à l'époque où le récit a été écrit. Et du coup, bon, Mars, mais finalement, encore une fois, c'est plus une... Je trouve une petite nouvelle presque philosophique que réellement de la science-fiction comme on l'entendrait aujourd'hui. Oui, plus dans la lignée de Voltaire, en fait. Oui, oui, oui. Elle est très courte. Hein, oui, oui, c'est quelques pages. Et puis, vous l'évoquiez à l'instant, il y a évidemment un roman qui va fixer, comme souvent dans l'histoire de la science-fiction, les imaginaires. Celui qui va d'un seul coup révéler ce qu'est la crainte de l'invasion, d'une invasion terrible qui détruirait l'intégralité de notre planète et de notre civilisation. Écoutez. Oh, j'ai jamais vu un truc pareil. La poudre qui frappe plusieurs fois au même endroit. Est-ce que c'est le seul endroit? Non, non, posez ça. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. On dirait que c'est ça. Vous allez tomber dedans. Reculez. Regardez. Tout le monde recule. Reculez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Reculez. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. On vous a dit de reculer. C'est chaud? Non. C'est glacé. Vous sentez là? Vous sentez? Oui, je sens ça. C'est quoi le métro? Il n'y a pas de métro ici. C'est peut-être un train. Ça peut pas être une canalisation. Mais non, il n'y a rien qui passe là. Il n'y a pas de canalisation d'eau par là. En attendant, il y a quand même quelque chose qui bouge là-dessous. Je le sens. Extrait de l'une des nombreuses adaptations de La Guerre des Mondes d'H.G. Wells, la dernière en date, je pense. Il me semble que c'est la dernière en date. Peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis. C'est celle de Steven Spielberg. Je crois que c'est la dernière. Ouais, je pense que c'est la dernière. Peut-être un mot, Daniel André, parce qu'effectivement, il y a le roman de Wells, il y a toutes les adaptations cinématographiques, le tripode, le martien belliqueux, la destruction de la planète Terre. Ça fait basculer l'imaginaire martien dans quelque chose de très noir et de très sombre, en fait. Oui. là, pour le coup, c'est. Je sais pas si en fait c'est vraiment la représentation au cinéma. En écoutant en fait la Guerre des Mondes, j'étais en train de me dire qu'en fait il y a une bascule entre la version d'origine, la première adaptation cinématographique qui est en 53 et celle de Spielberg en 2005, où là en fait on passe vraiment en fait à une on va dire à une réflexion sur le terrorisme. C'est quand même du post 11 septembre, donc c'est moins en fait une question sur finalement le monde extraterrestre que sur la planète Terre et sur ce qui se passe en fait à l'intérieur de notre société. Et cette scène en particulier, c'est vraiment en fait tout un... On va dire c'est tout l'imaginaire lié au terrorisme, aux cellules dormantes, oui. Et au fait que voilà. Pour redire cette scène, c'est au début du film quand d'un seul coup les vaisseaux martiens qui sont enfouis sous terre depuis très longtemps ressortent de terre et commencent les tripodes et commencent à détruire vraiment tout ce qu'ils trouvent. Tandis que la version de 53, en fait, on voit vraiment l'image plutôt des martiens qui arrivent et qui sont en fait ces monstres en fait agressifs, effectivement. Je pense qu'on a, voilà, il y a plus en fait cette bon, les années 50, c'est aussi en fait toute la période aussi du nucléaire et de la peur de tout ce qui va être lié aussi en fait à la guerre froide et aux guerres. C'est le propre des grandes œuvres de pouvoir être réadapté à différentes époques et de porter différents messages ou différentes symboliques, puisqu'il y a évidemment l'adaptation radiophonique qu'il faut mentionner d'Orson Welles. Voilà. La fameuse qui a terrifié les gens, qui a été source en plus même de morts réelles. Ça a été revu un peu. En fait, ça appartient à la mythologie en fait, de cette émission radiophonique, mais semblerait-il en fait qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule. C'est la mythologie qui dit que par la suite, suite, en fait, les gens ont été paniqués, mais non, en fait. Donc, mais ce qui est bien, que la mythologie, en fait, nous donne cette vision. Ce qui est intéressant, c'est que, en l'occurrence, pendant l'adaptation radiophonique de d'Orson Welles, on est en pleine guerre froide, c'est-à-dire qu'on craint vraiment, c'est-à-dire que s'il y a eu un écho, parce qu'il y a eu en tout cas un écho fort dans l'imaginaire populaire, hein, dans la mythologie qui est créée autour de cette émission de radio, qui aurait effectivement poussé des gens au suicide, ce qui effectivement s'est avéré faux, ça dit quand même quelque chose de l'extrême climat de tension qui régnait à ce moment-là aux États-Unis et de l'extrême éruptivité finalement de la société américaine dans ce contexte de guerre froide. Tout à fait, mais je pense que là, pour le coup, en fait, c'est pas spécialement typique de la planète Mars et des Martiens. C'est-à-dire qu'on va retrouver le phénomène avec tout ce qui va être des forces extraterrestres ou autres monstres ou zombies, par exemple. Donc, on est peut-être moins, en fait, dans un cas de planète Mars, hein, on va dire, que de peur générale liée, en fait, à tout ce qui peut prendre, en fait, la représentation de l'autre qui est dangereux. Aurélie Villers. Oui, si ce n'est que dans les années 50, on a assez allègrement, enfin en tout cas dans la science-fiction américaine, associé évidemment la planète rouge soviétique et que ça a quand même cristallisé. Mars a été vraiment le centre de cristallisation de l'opposition entre les soviétiques et les américains. Et ça continue pour parler jeux vidéo et parle déjà, enfin évoque très très clairement le communisme. Et je dois avouer que nous-mêmes, Red Faction, qui est un jeu vidéo qui a eu plusieurs occurrences, hein, il y en a eu au moins deux. Puis après, il y a une série aussi qui a été adaptée de cet univers-là, etc. Il fait très, très clairement référence au communisme. Et même dans nos jeux, d'ailleurs, dans Technomancer, on a une des factions. Alors, beaucoup, on a plusieurs factions qui vivent sur cette planète, dont une qui est effectivement assez clairement inspirée du communisme avec des images très, on va dire, héroïques, assez inspirées notamment des images chinoises de l'époque, de la grande époque du communisme. Parce que je rappelle que vous avez développé deux jeux vidéo dans un univers qui se passe sur Mars, dans le futur, Mars Warlogs. De Technomancer, on en reparlera dans quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est que donc, si on essaie de reprendre un peu ce fil chronologique, la guerre des mondes fixe un peu la peur de l'invasion, de la destruction d'une civilisation avancée, qui reflète encore un peu on ne sait pas à la fin du 19e siècle s'il y a ou non une civilisation sur Mars. On pense pendant très longtemps, peut-être jusqu'aux années 50, qu'il est possible que la planète Mars soit habitée. Oui, je pense que c'est le roman clé à ce regard, c'est à mon avis, Les Sables de Mars de Clark en 51, qui va être le premier roman réaliste, qui va abandonner les canaux juste après les Chroniques martiennes en 50, qui va décrire une colonisation de façon vraiment hard science et assez crédible. Mais je pense que Welles a vraiment marqué la science-fiction, ce roman-là en particulier, parce qu'il a initié beaucoup de thèmes. Il me semble que c'est une des premières invasions massives d'extraterrestres. Il initie aussi le thème de la contamination par un virus qu'on va retrouver après quand on va envoyer les hommes sur Mars. Puisque c'est comme ça qu'on défait les Martiens. Exactement. Et puis surtout, la parabole sur la colonisation. Welles écrit le disque de Tom Jones, moi, mais... Ah oui, ça c'est à cause de Mars Attacks. L'importance dans la culture populaire américaine, justement, de cet imaginaire d'H.G. Wells, aujourd'hui, elle est étudiée, elle est connue, elle est répertoriée, Daniel André. Alors là, c'est pas mon domaine d'expertise. Je vais avoir du mal à vous dire ce qu'il en est. En voyant, en fait, le fait que Spielberg ait repris la guerre des mondes, on peut supposer que oui. Mais je pourrais pas m'avancer parce que je ne connais pas, en fait, cet aspect. Il y a une autre personne qui fixe... Là, on parlait du roman d'aventure tout à l'heure, mais qui va fixer un imaginaire martien très important, c'est évidemment Burroughs, Edgar Rice Burroughs, avec Le Cycle de Mars, et où là, on est vraiment dans du roman d'aventure spatial, qui est le début d'un nouveau genre, hein, du space opéra, qu'on pourra connaître plus tard avec son développement dans les années 50-60. Oui, j'aurais dit aussi, on est quand même très très près de la fantaisie. Hein. Oui, bien sûr. C'est un cycle qui est très ambigu, de par sa période, parce que je crois qu'il commence en 1912, le premier, mais qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, voire après, mais qui va garder les caractéristiques quand même de la science-fiction du tournant du XXe siècle. C'est plus du tout réaliste et Burroughs s'en fiche. Et ça l'a jamais été d'ailleurs. Hein. Je crois que... ne serait-ce que le voyage sur Mars, hein, John Carter projette un double corporel sur Mars, il s'endort sur Terre, je crois. Donc c'est très onirique dès le départ. C'est plus un mélange de romans, d'aventures pures, et de l'influence de l'exotisme aussi qui a beaucoup marqué le tournant du XXe siècle. Jeanne Rousseau, sur le cycle de Mars de Burroughs. En fait, c'est je pense tout un courant de manière générale de la fiction martienne. On a le loufoque qui serait incarné par Mars Attacks, par exemple, ou Martians Go Home, qui est un livre que j'adore, qui est hilarant, mais qui on prend pas quand même pas trop au sérieux à la base. Mais il y a aussi effectivement tout un courant de qui se rapprocherait de la fantasy d'une certaine manière, effectivement, qui a quelques ingrédients de science-fiction, mais finalement assez anecdotique, et qui se continue encore aujourd'hui. Même Dan Simmons, finalement, se rapproche, je trouve, plus de John Carter que de Kim Stanley Robinson. Quoi. C'est, On peut dire un mot, effectivement, que dans sa réécriture de l'Iliade et de l'Odyssée, Ilium et Olympos, Dan Simmons fait de Mars la planète où résident les dieux, enfin les post-humains qui sont réincarnés en dieux de l'Olympe et où ils organisent depuis là à nouveau la prise de Troie, l'assaut de Troie avec des humains qui sont des clones. Oui, Daniel. Non, je voulais juste revenir sur John Carter parce que en fait, c'est aussi lié en fait à la conquête de l'Ouest, parce que le personnage principal c'est un soldat en fait de la guerre de sécession, et donc il y a aussi en fait une représentation. Bah ça y est, on a atteint peut-être finalement la dernière frontière, et évidemment Mars devient la nouvelle frontière, et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs que en fait on retrouve John Carter à l'heure actuelle et que le cinéma l'a vu ressurgir sur les écrans. Donc cette volonté de partir à la conquête. Ces romans d'aventure sont des grands romans d'exploration. Ce sont des romans de la colonisation positive telle qu'on l'imagine encore au début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Après Wells, mais même tout ce que va initier le courant avec Robinson, après, à partir des années 65, des années 60, on va avoir une colonisation relativement positive, d'autant plus que Mars est vide. Donc c'est une colonisation sans mauvaise conscience. J'aime bien dire qu'il n'y a pas de peau rouge sur Mars et que ça arrange tout le monde. Il y a le sol rouge, mais il n'y a pas les peaux rouges. Voilà, c'est ça. Un fidèle auditeur de la méthode scientifique, j'y avais pas pensé en préparant l'émission, mais c'est vrai qu'il note que les comics s'emparent du personnage du martien, notamment les comics de DC, avec le personnage de Martian Manhunter, qui est un grand homme vert de l'espace et qui côtoie Superman, qui est la figure du good guy. Et c'est vrai que c'est une référence à laquelle je n'avais pas pensé en préparant cette émission, donc on remercie Marcus de nous la soumettre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h30 sur France Culture, nous parlons de la planète Mars dans la science-fiction, dans les récits, dans la littérature, le cinéma et les séries. On a parlé beaucoup de littérature et on arrive justement à ce tournant un siècle et exactement après l'apparition de Un habitant de la planète Mars de Henri de Parville. Le 14-15 juillet 1965, la sonde Mariner 4 survole la planète rouge et la déception est absolue. Il n'y a pas de canaux, pas de petits hommes verts, rien d'autre qu'une surface morne, rouge, brûlée. Et du coup, tout l'imaginaire martien, à partir de Mariner, va se restructurer vers quelque chose d'autre, Aurélie Lair. Oui, exactement. Et c'est même étonnant que cette déception ait sonné le renouveau de la littérature martienne. Ça a sonné un deuxième âge d'or, avec en figure de proue Kim Robinson, qui, je crois, j'ai lu dans une interview, dit clairement que c'est en voyant les photos, les premières photos de Mars, qu'il a eu envie d'écrire la trilogie. Il s'est dit, ça serait un chouette endroit pour aller faire de la rando, et il s'est mis à imaginer toute la trilogie à partir des images. Donc ça va ancrer forcément la fiction dans un réalisme indéniable. Mais il y a un trait commun qui est quand même que c'est toujours l'image qui va annoncer la fiction et qui va dicter la fiction. C'était le cas avec Schiaparelli, c'était le cas avec les observations qu'on a pu faire aussi, alors aussi farfelues soient-elles, quand on a cru voir un visage à Sidonia, quand on a cru voir des pyramides, des ruines, etc. La trilogie de Kim Stanley Robinson, c'est Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte, qui va raconter donc l'histoire de la terraformation de la planète rouge. Et du coup, on n'est plus sur des civilisations extraterrestres, sur une vie, on est au contraire sur un autre imaginaire plus réaliste, où il est question soit de terraformer, soit d'habiter, soit de coloniser, soit de s'adapter en fait. Soit de préserver aussi d'ailleurs, parce qu'il y a un grand combat qu'on voit émerger au fur et à mesure de cette trilogie, de ceux qui veulent préserver Mars tel quel. Et c'est d'ailleurs des considérations qui sont très très contemporaines, j'ai envie de dire, parce que cette idée de, mais finalement, est-ce qu'on a le droit de transformer, de modifier Mars au point d'en faire quelque chose qui ressemblerait à la Terre et de trahir ce qu'elle était à l'origine. Et C'est une réflexion que je trouve d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, on se préoccupe effectivement de terraformer Mars en oubliant un petit peu qu'on est en train de transformer, de marsifier la Terre, en fait. Ce qui est... Bon. C'est intéressant parce qu'effectivement, on va arriver à une autre conception de la planète rouge. Plus donc question d'envahisseurs belliqueux, mais d'investir Mars. Eh bien, comment on investit Mars? Eh bien, parfois en étant oublié sur place. I'm sorry, who are you? This is Rich Parnell. Astrodynamics. Tell him what you just told me. I can get the Hermes back to Mars by Sol 561. Vous êtes qui, vous? C'est Rich Purnell, du département d'astrodynamique. Dites-leur ce que vous m'avez dit. Je peux renvoyer l'Hermès sur Mars d'ici Sol 561. Et comment? Vous pourriez vous mettre de ce côté-là, s'il vous plaît. Et vous, est-ce que vous pourriez vous mettre là? Oui. Là, oui. Bon alors, imaginons que cette agrafeuse, ce soit l'Hermès. Et vous, vous seriez... C'est quoi votre nom déjà? Teddy. Je suis le directeur de la NASA. Cool, Teddy, vous êtes la Terre. Et pour l'instant, l'Hermès se dirige vers vous. Il a un mois pour décélérer avant de vous atteindre. Au lieu de ça, ce que je vous propose, c'est... Et là, tout de suite, on remet les gaz. Pour préserver, voire gagner de la vélocité. On n'intercepte pas la Terre, mais on s'approche suffisamment pour que la force gravitationnelle nous redirige. Et à ce moment-là, on envoie du ravitaillement avec le lanceur. Le Taiyangshen. On prend toutes les provisions dont on a besoin, et là, on accélère en direction de Mars. Vous êtes Mars. Évidemment, on va trop vite pour une mise en orbite, mais on peut faire un survol. À quoi bon survoler si on ne peut pas récupérer Watney de la surface? Watney devra... intercepter l'Hermès avec le VAM. Et il n'y a plus qu'à rentrer. J'ai tout calculé. Et ça fait. Rich? Oui, chef? Sortez. Oui, chef. Voilà, extrait de The Martian, Seul sur Mars en français, de Ridley Scott, adapté du roman d'Andy Weir, qui a été écrit en 2011, où là, on est vraiment dans du 100% pur réalisme scientifique, qu'on pourrait presque appeler art science, dans quelque sorte, puisqu'on imagine quelqu'un dans une mission future qui reste sur place, qui ne peut pas repartir, et donc il va falloir le ravitailler, comme on vient d'entendre dans cet extrait. Oui, ce qui me frappe en écoutant le passage, c'est que on est vraiment dans ce qu'on appelle un passage didactique en science-fiction, c'est-à-dire essayer de faire passer de la vulgarisation quelque chose qui pourrait être assez pesant. On n'a pas l'image, mais par une image qui bouge, qui est assez animée. Et ça fait partie de tout un courant qui, je pense, a appris de l'arrêt des missions lunaires. Y a un chercheur américain qui s'appelle Robert Nye qui expliquait que les missions lunaires sont arrêtées parce qu'on n'a pas su vendre la Lune au public, au grand public. Pour ça, il critique les administrateurs de la NASA, les politiques américains. Et il dit que vraiment, il va falloir vendre Mars, et pour vendre Mars, il faut passer par l'image. Il faut créer des paysages, il faut créer des histoires pour vraiment ancrer ce désir d'aller vers Mars. Et en voyant le Martien ou comme la série Mars aussi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce courant-là. Daniel André, où il y a une très très bonne série de National Geographic qui pour le coup fait la promo de la NASA ou de SpaceX, je ne sais pas, en tout cas d'une mission habitée. On a envie, quand on regarde cette série, Jeanne, vous avez envie, Elon Musk, si tu m'entends, envoie-moi sur Mars. Mais non, mais restez avec nous quand même un peu, vous êtes bien ici. Daniel André. Bah, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement les films sur Mars étaient peut-être pas aussi, enfin il y en a très peu qui sont vraiment, enfin je trouve vraiment intéressants. Et entre Mars et The First, qui sont deux séries très différentes. La première, The First, parle en fait de comment partir explorer, et ça parle vraiment en fait de ce que ça va entraîner dans les relations humaines. Donc, de première personne qui irait coloniser. C'est ça, donc c'est l'idée en fait, qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui restent et tout ce qui entraîne sur la famille. Et donc Mars, c'est vraiment en fait une série qui entrecoupe à la fois la fiction, c'est-à-dire on voit ce qui se passe pour la terraformation et après, puisque la deuxième saison, la terraformation est déjà en place, et aussi les interviews en fait de à la fois de scientifiques, d'auteurs, puisqu'il y a même Kim Stanley Robinson. Et c'est vraiment, on est vraiment là pour le coup dans une fiction qui est très très réaliste, puisqu'elle nous montre en fait tout ce qui peut vraiment arriver et toutes les difficultés que vont rencontrer en fait les humains pour à s'installer sur Mars. Mais ce qui est aussi intéressant, je pense, c'est que ça met vraiment en perspective le fait que, exactement ce que tu disais, c'est qu'en fait, on est en train de reproduire sur Mars ce qu'on a fait sur la Terre. Et donc, va se poser la question de... Bah, il va y avoir les scientifiques d'un côté, puis il va y avoir aussi tout ce qui va être le privé. Et là, ça va être... Bah, ça devient simplement, en fait, un enjeu économique, capitaliste, les terres, et comment s'approprier, en fait, un bien. C'est intéressant parce qu'effectivement, Mars devient une sorte de miroir déformant de la situation sur Terre. Ça devient finalement une planète politique. J'annonce. Exactement. Et c'est d'ailleurs c'est amusant parce que tu disais tout à l'heure, je crois que Mars était à une époque la petite sœur de la Terre, et puis que quand on s'était rendu compte qu'elle était vide, on avait abandonné cette idée. Moi, j'ai l'impression qu'elle est encore toujours la petite sœur de la Terre, mais quelque part une sorte de miroir inversé en fait. C'est que après effectivement peut-être la période de déception, on s'est rendu compte qu'il y avait personne et qu'il y avait pas d'eau, et que bon, en tout cas elle était pas tout de suite à la surface des canaux, qu'on pourrait difficilement y faire de la gondole avant quelques années. Finalement, on s'est aussi rendu compte que c'était un réservoir de ressources assez énorme, et donc voilà, ça vaudrait sans doute le coup au niveau industriel d'aller y faire un tour à un moment, dans la mesure où on est en train d'épuiser un certain nombre de ressources minières sur Terre. C'est aussi finalement une planète qui reste en termes de taille, de révolution, etc., assez accessible, et c'est accessible. On sait qu'on a une chance peut-être dans notre vie aujourd'hui d'y aller, ou en tout cas que des humains s'y posent, alors que effectivement on peut imaginer toujours Alpha du Centaure, je ne sais trop quoi, mais ça, bon, ça sera clairement pas de notre génération. Donc je pense que c'est en ça qu'elle reste d'une certaine manière la vraie sœur de la Terre en termes de système solaire, de ressources, on sait qu'il y a de la glace, on sait que et puis surtout en termes d'accessibilité, quoi. C'est aller juste à côté. C'est intéressant parce que donc vous avez produit deux jeux vidéo qui se passent sur Mars. Le premier, Mars Warlogs, suivi de The Technomancer. Le nom de votre studio s'appelle Spiders parce que David Bowie. Parce que Mars, parce que David Bowie. Parce que les Spiders from Mars. Voilà. Ziggy Stardust. En fait, vous avez fondé ce studio pour développer ces jeux. C'est-à-dire que d'où vous vient cet intérêt personnel, cette fascination pour la planète rouge? Pourquoi avoir voulu développer cet univers dont vous allez nous dire quelques mots aussi? Moi, j'ai une fascination pour la planète Mars depuis très très longtemps. Mais c'est d'ailleurs amusant parce que je pense que c'est plus qu'une fascination pour la SF au départ. Hein. Il y avait vraiment aussi tout un rapport mythologique. Mars en tant que personnage mythologique, en tant que effectivement planète, même en termes d'astrologie, je suis pourtant pas trop là-dedans, mais ça représentait énormément de choses. C'est une planète qui est chargée, au-delà vraiment même de ce qu'elle est réellement, en tant que caillou qui navigue dans l'espace, ou en tant que support de science-fiction divers et variés. Donc c'est vrai que ça a été... Il y avait cette fascination-là. Dès que j'ai pu commencer à lire énormément de science-fiction, de regarder des films, des séries, et ainsi de suite. Et sa proximité, le fait que ce soit vraiment, et là pour le coup ça rejoint un peu les romans d'aventure type John Carter, le fait que ce soit le prochain horizon à conquérir, à découvrir plus exactement qu'à conquérir, me fascinait, ça c'est une certitude. Et à partir de ce moment-là, en termes là de création de jeux, on cherchait à créer un univers un peu différent, un peu alternatif, moi, je suis quand même plus proche de la science-fiction que de la fantasy dans ce que j'aime faire et dans ce que j'aime écrire. C'est vrai que très, très naturellement, on s'est tourné vers Mars. Le space opéra m'intéresse moins parce que, justement, finalement, c'est de la fantasy déguisée et ça me plaisait pas trop. Au contraire, là, pour le coup, la référence Philip K. Dick, qui est, moi, un auteur vraiment très important pour moi, et Ray Bradbury, m'ont conduit assez naturellement vers Mars. Il faudrait me redire un mot de Ray Bradbury, parce qu'on va pas non plus passer sous silence les chroniques martiales qui sont très importantes. Mais avant cela, on va écouter un extrait justement du jeu The Technomancer. At the source of all life, there is water. On Mars, where it is rare, water is a source of conflict, struggle, and death. Since the turmoil, there have been unending wars, fought over the possession of clean water. We are the forgotten children of Earth, trapped in this red, barren wasteland. We have organization, structure, and inevitably, politics. We have rulers, Alors voilà, on a, il y a pas de version française, c'est sous-titré quand on veut l'avoir en français. Donc il faut que vous nous racontiez un peu de quoi il s'agit et ce qu'on vient d'entendre, Jeanne Rousseau. Bah, effectivement, nous sommes partis sur le principe que Mars avait été partiellement colonisé, partiellement terraformé aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin. Alors ça, c'est pour des raisons aussi visuelles de casques ou de grosses scaphandres ou combinaisons. Alors ils ont une espèce de petite combinaison légère, mais ça reste vraiment plus graphique qu'autre chose. Donc on n'a pas non plus pris un parti pris réaliste. On est pour des raisons de plaisir de jeu et pour des raisons de narration aussi, tout simplement, on a pris un certain nombre de partis pris assez loin du réalisme scientifique, même si par contre on s'est nourri de beaucoup de choses réelles. Et donc cette humanité qui se retrouve sur Mars se retrouve suite à une catastrophe naturelle, a priori, complètement isolée de la Terre, ils n'ont plus du tout de nouvelles. Et les nations qui étaient regroupées sous l'organisation des nations martiennes sur Mars, se retrouvent un peu démantelés par des sociétés privées qui prennent le pouvoir et qui sont les sociétés qui gèrent l'eau. Et c'est donc les compagnies des eaux qui dirigent le monde sur Mars et qui se font la guerre les unes les autres, évidemment. Certaines ayant différentes philosophies, donc certaines plus communistes et d'autres, on va dire, un petit peu plus élitistes ou religieuses. Enfin, on a comme ça un certain nombre de factions que le joueur va pouvoir croiser au fur et à mesure de son voyage. Et c'est... Pour nous, c'est un univers qui... vous avez terminé l'épisode, le petit extrait de manière assez bien choisie sur le mot politics. C'est un jeu qui est effectivement assez politique, même si c'est évidemment pas le seul fond du jeu, mais c'est un jeu qui se voulait pour nous parler d'un certain nombre de sujets qui nous tenaient à cœur, l'écologie évidemment, mais aussi des références à la politique, à l'histoire, à la place de l'homme dans un environnement nouveau, comment il se positionne là-dedans, comment justement son impact sur l'environnement et à l'inverse, comment l'environnement le métamorphose et peut le faire transformer et évoluer. Le lien entre Mars Warlocks et The Technomancer, quel est-il ? Alors en fait, ça se passe dans le même univers, pas dans la même ville de départ, pas dans la même faction. Ce sont deux personnages différents, même si on va croiser des personnages communs aux deux histoires. Mars Warlocks, en fait, juste pour essayer rapidement sur l'histoire du studio, quand on a créé donc le studio, on avait cet univers en tête, la volonté d'écrire plein d'histoires là-dedans. On n'a pas trouvé au départ d'éditeur pour nous aider là-dessus, ce qui fait qu'on a finalement décidé de faire Mars Warlocks, qui était un jeu plus petit que celui qu'on pensait faire, donc une histoire plus courte, un peu pensée comme une nouvelle d'une certaine manière, alors qui permet quand même des choix de etc, mais c'était pas aussi abouti que ce qu'on aurait aimé faire, même si ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Et enfin, Technomancer, quand notre éditeur s'est rendu compte que cet univers finalement fonctionnait bien, qu'il y avait des gens qui aimaient beaucoup cet univers-là, il nous a donné un peu plus de moyens, on a pu développer ce Technomancer, et on espère en développer d'autres. C'est-à-dire que cet univers, vous souhaitez continuer à l'exploiter, pour moi, c'est un univers complet, donc en fait, on a la possibilité de raconter autant d'histoires. Il y a d'ailleurs des nouvelles qui ont été écrites, on a énormément de fanfictions qui ont été faites par des joueurs, c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'ils sont mais vraiment pléthore pour remplir tous les trous et se raconter leurs propres histoires là-dedans. On est assez contents. On va faire un petit bond en arrière, effectivement, tout de même, Aurélie Viller, parce que j'aimerais qu'on dise un mot de ces chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui, en fait, avant Mariner, anticipe la bascule vers une Mars dépeuplée, une Mars plus réaliste, une Mars aussi plus sombre. Oui, j'aurais pas dit plus réaliste. Il y a encore des canaux. Oui, les martiens sont avec des yeux dorés, les cheveux rouges, ils sont tout petits. Ce qui va être plus que le monde que je trouve pas très réaliste, ce qui va être réaliste, c'est le récit de la colonisation. C'est la transposition de ce qu'on a fait sur Terre, de la colonisation qui s'est passée sur Terre, transposée sur Mars, pour qu'avec la distance, peut-être, on prenne un peu de recul et qu'on prenne un peu conscience de ce qui s'est passé. C'est une acception plus politique de Mars, en tout cas. Oui, tout à fait, oui. Il y a un passage, je me souviens, au milieu, où on voit ce sont les Noirs américains qu'on envoie sur Mars. Les gens les regardent défiler dans la rue, partir sur Mars, on voit un défilé d'esclaves. C'est extrêmement politique et très très héritier de la guerre des mondes, mais inversé du coup. Bradbury disait Mars est un miroir, pas un cristal. Donc vraiment l'image inversée de la Terre. Daniel André, sur ces chroniques martiennes, un mot ? Moi, il y a eu une série qui est une très très bonne adaptation qui a été faite en 1980. Alors est-ce que c'est une fidèle, je ne sais pas. En tout cas, je me rappelle l'avoir vu et ça m'a profondément marqué parce que justement, il y avait vraiment ces questionnements sur, en fait, les colonisateurs, c'est-à-dire les terriens, mais aussi les martiens. C'est-à-dire qu'en fait, on finissait par quand même se poser certaines questions sur, effectivement, Ben voilà, on prenait parfois parti aussi pour les Martiens. La fin étant très très très ambiguë. Sur la position en fait du spectateur du moins. Oui, je pense qu'on prend toujours parti pour les Martiens. Ouais, en général, dans les chroniques martiennes, on prend plutôt parti pour les Martiens. Ouais. J'aimerais, on arrive dans la dernière partie de cette émission. J'aimerais qu'on parle vraiment maintenant de la contemporanéité, de la façon dont Mars a été récupéré et dans la fiction et au cinéma. Et dans la littérature, avec quelques exemples qui sont chers à mon cœur. Mais notamment, j'aime bien ce petit film, qui n'est pas un gros film, qui est un petit film d'exploitation, mais tout à fait sympathique, qui s'appelle Last Days on Mars. Qu'est-ce qui se passe quand des scientifiques doivent retourner sur Terre après avoir fait leurs travaux, mais que cette dernière journée ne se passe pas exactement comme prévu. S'il te plaît. Module Aurora, équipe de contrôle. Officier en charge des systèmes, Vincent Campbell au rapport. Cite-moi 10 trucs que tu regretteras pas quand tu seras de retour sur Terre. Que 10 ? Demain, c'est notre dernier jour. Reste à savoir si nous pourrons rentrer chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose. Cette découverte change tous nos plans. L'équipe de la base Tantale a été infectée par une sorte de bactérie agressive. Il s'est passé un truc horrible ici. Harrington, réponds-moi! Et Harrington risque d'avoir du mal à répondre si vous avez jeté un œil à cette bande-annonce. Non, ce qui est intéressant, Aurélie Viller, dans ce film Last Days on Mars, c'est que, pour le coup, là aussi, alors on retrouve paradoxalement cette figure du vampire, parce qu'on peut dévoiler le pitch vampire zombie, c'est-à-dire du monstre martien, mais le monstre martien, il est sur une base scientifique, puisque c'est donc ces scientifiques qui se font contaminer par une bactérie martienne. Oui, c'est ça, il est désincarné. Oui. On a ça aussi dans Ghost of Mars, de Carpenter. Ghost of Mars, je vais en parler, qui est quand même un film, alors c'est super kitsch, mais c'est quand même super bien. Oh, c'est un film culte. Excusez-moi. Carpenter, on ne peut pas dire autre chose. Mais parlons-en, alors un mot de Ghost of Mars, parce que ça fait partie des extraits que je voulais mettre, mais on peut pas tout mettre. Parce que Ghost of Mars, là aussi, on n'est pas très loin finalement de ce que pourrait être de Technomancer, c'est-à-dire une société sur Mars qui s'est recréée et puis qui a évolué à cause de l'environnement presque martien. Presque Mad Max, en l'occurrence, super trash, très punk, parce que c'est quand même très très teinté de l'époque où était le. N'oublions pas que c'était une matriarchie aussi. Et quand même dire que le pouvoir est aux femmes, donc ça change aussi. Mais c'est quand même l'exploitation minière de la planète et on sait pas trop en fait ce qui contamine les gens, mais c'est aussi des ils se transforment un peu on sait pas en quoi exactement, mais ils sont monstres, zombies, c'est ça, mais ils sont effectivement incarnés, alors peut-être par peut-être par l'esprit de la planète ou par d'autres qui seraient mieux avant, on sait pas trop. Mais il me semble qu'on voit les martiens sortent, enfin cette espèce de nuage sortir de la mine. Oui, mais justement c'est un nuage qui sort. Il y a tout un courant de nuées, voilà, de martiens désincarnés, de nuées qui commence dans les années même 30, je crois. Progressivement, les martiens vont aussi se désincarner, devenir des êtres de lumière, les hétéros de éther. avec le H après l'été, pas avant le. C'est ça. Et AUX à la fin, de Ronnie Henné. Il y a tout un courant à partir de ce moment-là qui va désincarner les martiens. Ils sont peut-être d'autant plus monstrueux et terrorisants. Mais est-ce que c'est finalement un motif qu'on retrouve dans l'inconnu? Mars nous attire parce qu'il y a cet aspect inconnu qu'on a envie de découvrir, les nouvelles, ces endroits sur la carte où il y a des monstres dessinés. De la même manière qu'on a caché des monstres sous la glace, je vous laisserai citer les références multiples sur le sujet, Lovecraft et ainsi de suite. Carpenter aussi, qui était le meilleur Carpenter de l'histoire. Mais qui faisait d'une certaine manière référence à Lovecraft. Finalement, est-ce qu'on n'a pas transposé exactement la même chose sur Mars qui devient ce nouvel horizon, encore une fois, à la fois de conquête et de peur. C'était exactement ce qu'il y avait à la conquête de l'Ouest et des nouveaux continents, c'est-à-dire en fait on ne savait pas à quoi s'attendre, il y avait toujours une représentation en fait de monstres, de créatures complètement fantasmagoriques jusqu'à ce qu'on y arrive, mais finalement ça fait toujours ressortir en fait le côté en fait que finalement l'être humain malgré tout arrive à s'implanter quelque part et que c'est quand même l'intelligence humaine qui finit par arriver à dompter la nature. C'est toujours ça, en fait, qui me pose un peu problème, parce qu'en fait, il y a toujours cette idée que, malgré tout, on va y arriver, et c'est un peu dans ce qui se passe dans la Guerre des Mondes, à la fin, c'est toujours ce petit côté qui me gêne, comme si, en fait, finalement, à la fin, ce qui est la morale, ce serait que, bah, si finalement, on est peut-être supérieur, parce qu'on arrive quand même à s'en sortir. Hein. J'ai toujours un petit peu... Ouais, ou pas. Non, mais... Ouais. Ça dépend. Ce que je trouve intéressant, peut-être, par rapport à toutes ces nouvelles occurrences depuis la fin des années 90, le Carpenter, il y a aussi le Brian De Palma, Mission to Mars, et même dans la littérature, je pense, je ne peux pas, évidemment, faire cette émission sans parler de l'un de mes romans de science-fiction favoris de ces dernières années, Spin, de Robert Charles Wilson. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on repeuple Mars, c'est-à-dire qu'on retrouve des Martiens, mais par des voies qui sont des voies rationnelles, c'est-à-dire la mine, Last Days on Mars par la bactérie, enfin Spin parce que bien on envoie pour sauver la Terre, on envoie des êtres humains coloniser Mars, mais comme le temps passe infiniment plus vite à l'extérieur, et bien du coup la civilisation martienne devient autrement plus âgée, plus sage et plus technologique que la civilisation terrestre. Donc du coup finalement ce besoin de repeupler Mars à tout prix, Aurélie Miller. Oui et non, enfin, la repeupler, oui, mais ce qui me frappe, moi, c'est qu'une fois qu'on a vu qu'elle était désertique, on s'est mis à la peupler de Martiens qui n'avaient plus de corps, justement, qui ressemblaient à ce qu'était leur planète, c'est-à-dire désincarnés, des nuages. C'était caché. Voilà, c'est ça, mais on va adapter le Martien, encore une fois, à la découverte scientifique et à l'état des lieux... désincarné. Il y a aussi en fait l'idée qu'on crée des colonies et que ces colonies se retournent encore contre la maison mère. Donc on se retrouve encore finalement dans la guerre d'indépendance. C'est effectivement c'est en partie un des thèmes que nous on a décidé de traiter. L'argument de Technomancer, c'est que le personnage principal essaie de retrouver le contact avec la planète Terre. Voilà, il y a toute une sorte de clan qui essaie de retrouver comme ça contact avec la Terre, parce que la Terre incarne le paradis perdu en fait, vraiment pour eux, avec toute la symbolique de elle était bleue, il y avait de l'eau, etc. Nous on est là sur ce caillou rouge, c'est l'enfer. À l'inverse, il y a une partie de la population qui est mutante, qui suite à la force d'habiter sur Mars a été vraiment modifiée physiquement, qui est très très maltraitée, mal vue par les autres, et qui eux disent mais nous on est devenus les vrais Martiens. Et finalement, nous on repartira pas, même si vous trouvez le contact avec la Terre, on restera là. Et on pourrait parler aussi, parce que vraiment c'est foisonnant, donc on en oublie forcément, de Total Recall, l'adaptation de K. Dick par Verhoeven, qui est un film éminemment politique. Aurélie Weller. Oui, et en plus vous parliez tout à l'heure de je crois dans un de vos jeux, la ressource essentielle c'est l'eau, et donc ce sont ceux qui gèrent l'eau qui vont gérer la planète. Dans Total Recall c'est la même chose avec l'air, et on va avoir la même chose, les rebelles qui sont terrés sous terre, qui je ne cacherai pas que c'est une de nos grosses références. Hein, parce que dans Total Recall ils mutent à cause précisément du manque d'air et de la pollution atmosphérique, enfin de la pollution de l'ionisation. Et il y avait une culture quand même aussi. Oui, avant, puis il y a la vision de Verhoeven qui est quand même différente très aussi de la nouvelle de Kadic. Mais ça reste évidemment une influence majeure, je pense, très très très marquante, notamment sur l'aspect très politique de ce que serait la colonisation martienne. Mais je pense qu'il faut quand même tout repenser en fait, que c'est très géopolitique en fait, la colonisation de Mars. C'est reparti effectivement dans les années 80, ce qu'on disait. Il me semble que c'est dans les années 89 avec Bush qui en fait relance le programme 20 ans après en fait le premier homme sur la Lune, en disant bah ça y est, faut aller chercher Mars. Et donc dans la foulée on voit effectivement qu'on a toute une renaissance aussi de cinéma sur Mars. Et c'est vraiment un enjeu politique. A décidé comme nouvel enjeu effectivement elle aussi de rentrer encore plus, enfin elle l'était déjà un petit peu, mais là vraiment elle a passé la vitesse supérieure sur la course à l'espace, et on voit que c'est un sujet qui devient d'autant plus contemporain. Pour terminer très rapidement, un mot si vous devez conseiller aux auditeurs une fiction, quelle qu'elle soit, cinématographique, vidéoludique, littéraire, sur Mars, Daniel André. Mars, la série du National Geographic. Oui, Villers. J'allais dire la trilogie martienne, mais je vais changer, peut-être que tout le monde la connaît. L'envol de Mars, de Greg Bear. Jean Rousseau. Wow, The Technomancer. Oui, mais là, j'ai un peu l'impression de faire ma propre pub quand même. Regardez simplement Total Recall parce que c'est bien. Voilà. Pour ma part, ce sera évidemment Spin de Robert Charles Wilson et la trilogie Axis et Vortex. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, la semaine prochaine, on révise pour le bac 3 émissions spéciales lundi SV. SVT, mardi physique, mercredi maths avec des professeurs, des lycéens qui auront planché sur une épreuve, les fondamentaux à retenir et un corrigé au tableau noir, s'il vous plaît, à suivre en direct et en vidéo, ça va bachoter sévère. Demain à 16h, c'est la conversation scientifique du camarade Étienne Klein sur France Culture. Devrions-nous mieux aimer les serpents ? Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.